La vie c'est beau, man. Mais yo, prendre le temps de la vivre, y a des choix à faire, man. Tu gardes ça dehors ou tu gardes ça en dedans, man. Aïe. Que c'est, on se lève un matin avec trop de chagrin. On serre les poings, mon problème si j'ai jamais de serre les miens. Jamais trop serre les liens, ça sert à rien. On dessert parce que la nature humaine nous rend jaloux comme des chiens. On fait le beau pour le dolo, les lolos de la vieille ho. Maniaco, schizo, parano, ça mène à l'alcoolo. Pour calmer l'enfant dans notre cœur qui pleure en solo. T'as raison, Oxmo. L'enfant seul, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. C'est la planète entière qui a bien l'intention de rendre les coups. Mais les coups, qui va les prendre? La main qui va l'attendre? Personne n'a le temps d'attendre parce qu'on est bien conscient que tout sera finir ensemble. Ce que je suis, ce que j'ai, ce que t'es, ce que t'as, ce qu'on est, man, tout ce qu'on est, tout ça va finir ensemble. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer. Yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer. J'ai des sourires, des pleurs et des grincements dedans. Je me sens plus sécure si je garde tout ça en dedans. On rit tout le temps pour des conneries, mais quand c'est vraiment drôle, on se dit que c'est pas ça la vie. La vie c'est ceux qui t'aiment finissent qui trahissent, ceux qui t'aiment te trahissent. On garde partir des aides chats pour d'autres encore plus chers qui partent à leur tour. Parce que chacun notre tour, un jour ou l'autre on court devant les problèmes, les dilemmes, la femme qu'on aime. Parce qu'on n'a pas une scène, ça coûte cher à baiser sa peine. On passe pour des gars de party, on a juste des choses à oublier. Parce que j'ai, je prends à me battre pour le garder. Je vois mes gars perdre tout ce qu'ils ont, toute raison. Puis chaque fois je les vois, j'en prends une leçon. Fier comme un soldat, on va le rester jusqu'au bout. Hey yo les gars, je vous le promets, je vous le promets. Yeah. J'vais être là pour prendre les couilles, yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah. On fait trop souvent ce qu'on peut, yeah. On pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on fait, mais pour vrai, yeah. Est-ce qu'on devrait, yeah. Tant de questions de sans réponse que de réponse sans question, d'un cercle vicieux, ma tête prête à sauter. Trop malheureux, les veines ils finissent par s'écouper. Ça fait 20 ans, j'suis en train de crever. On se tue à petit feu, puis quand le feu s'éteint, la glace nous tient vie. Le noir nous envahit, puis quand le frais tout te refroidit, c'est ma drug, c'est shit. Fake friend and bitch, on est prête à vendre sa mère pour être riche. C'est ma drug, c'est shit. Fake friends and bitch, on est prête à vendre sa mère pour être riche, yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah. Ayo, on l'avait pas dans une vie trop rock'n'roll. On a les blues pleureurs comme des souls. Ayo, on l'avait pas, we survive straight up. Keep your head up, keep your head up. Ayo, we live hip hop dans une vie trop rock and roll. On a les blues pleureurs comme des souls. Ayo, we live hip hop, we survive straight up. Keep your head up, keep your head up. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah. On perd plein bon moment parce qu'on décide de pas les vivre. C'est comme décider de pas savoir, de pas lire les livres en tes cas. Si tu veux que ça change, t'as toi de changer, tout essayer, puis encore commencer, yeah, yeah. Roughneck, Bombay, 2002, c'est what, c'est what.